les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il n'y a plus de saison. Seraient-ce les bombes atomiques qui détraquent le temps? Les savants joueraient-ils aux apprentis sorciers? Vous connaissez la suite, sans doute, puisque, enfant, adolescent, ou plus tard, vous avez lu SOS Météore d'Edgar P. Jacobs, l'une des plus belles aventures de Blake et Mortimer. Tout se passe en France, c'est rare chez Jacobs. Bien sûr, plus tard, il y aura aussi le collier de la reine, très parisien, en surface et en sous-sol. Parler du temps qu'il fait, ce n'est pas très original, mais quand ces conversations parviennent aux oreilles de Mortimer, elles prennent un sens particulier. Lui, il connaît le professeur Labrousse. Si les intuitions de Mortimer se confirment, nous sommes à la veille de catastrophes pires que celles que nous vivons depuis quelque temps. Pire, infiniment pire, effrayante. SOS Météore, à la radio, c'était en mars 1962, sur France 2. En voici les quatre premiers épisodes. Nicole Strauss et Jacques Langey ont adapté et vous présentent en exclusivité Les grandes aventures de France 2. Musique originale d'André Pop, réalisation René Villemay. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météore, premier épisode. Oui, aujourd'hui apparaît sur les antennes de la RTF de nouveaux héros, mais que vous connaissez déjà puisque votre courrier bien souvent nous en parlait. Il s'agit du professeur Mortimer, du capitaine Blake et du trop célèbre Ulrich, leur ennemi juré. Ce soir commence donc une aventure sensationnelle, à la fois policière, de science-fiction et d'espionnage. Nous sommes à la fin de l'hiver, près de l'opéra, 6h du soir, une véritable tempête s'est déchaînée sur Paris. J'ai toujours admiré l'adresse des chauffeurs de taxi parisiens. Parvenir à se faufiler au milieu d'un tel flot de voitures, c'est une performance. Ah, le quartier de l'Opéra et de la Madeleine à 6h du soir, c'est le carrousel. Mais vous savez, monsieur, à force de rouler, on s'y fait. On n'y pense même plus, ça devient automatique. Si ce cochon de temps se calmait un peu, ça serait pas plus mal. Même en parole, on se croirait à la veille de la fin du monde. Vous avez ce temps-là depuis longtemps en France? Oh, une bonne quinzaine. Mais depuis 3 jours, c'est le bouquet. Grêle, pluie, vent, orage, tornade, tout quoi. Un vrai déluge. Et des inondations partout. Jamais vu ça, moi. Ben, et il en est ainsi sur une bonne partie de l'Europe. Je peux vous en parler, puisque... Oui, oui, oh, hey, ça va, ça va. Pardon? Non. C'est pas vous, monsieur. C'est à l'autre, derrière. Ah. Qui, oui, me fait des appels de fer. Il est pressé, sans doute, cet Amerloc. Ah oui, c'est en effet une grosse voiture américaine. Une Ford. Ouais. Eh ben, s'il est pressé, il a qu'à s'acheter un hélicoptère. Non, mais, bonne idée, non? Oh, mais c'est qu'il paraît nerveux. Ouais, ben, il se calmera. Oui, je vous disais donc, ce temps-là, c'est pas normal. On m'ôtera pas de l'idée que c'est leur sale bombage qui a détraqué les saisons. Et puis là, ces trucs volants qu'ils envoient dans le ciel, ça vous chahute forcément les courants, les vents, les nuages, les rayons cosmiques, ce que je sais, moi. Résultat, ben, il n'y a plus de saison. Misère. Là, il faudra bientôt aller passer ses vacances sur l'équateur pour trouver un peu de soleil. Vous paraissez bien pessimiste. Moi? Oh non, non, ce que j'en dis. Non, non, mais regardez-moi cet énergumène. Ah, le conducteur nerveux, toujours. Ouais, ouais, ouais, il commence à m'agacer. Parole, c'est un maniaque. Ah ben, il clignote encore. Et ses coups de frein. J'ai toujours l'impression qu'il va entrer chez moi par mon coffre arrière. Non, non, mais regardez-le, monsieur. Il sort de la file. Il veut me passer devant, l'animal. Va donc, hé, patate! Eh, mais c'est bien fait. Le feu vient de passer au rouge. Oh, c'est incroyable. Ah, ça. Il a réussi à passer, le sauvage. Oh, ils sont deux. Eh bien, dites donc comme chauffeur, hein. Ah, ça y est, son compte est bon, je crois. Mais non, ils foncent toujours, voyez. Et les voitures qui arrivent sur la droite. Damned. La 4 chevaux, il va... Aïe, ça y est. Ah, ben ça y est, c'était fatal. Et ils continuent à la Concorde? Mais ma parole, ils sont foiliés, ces gars-là. C'est un bulldozer. Tout de même en plein Paris, à une heure de pointe. Oh, c'est des types comme ça, moi, je les coffrerai à vie. Rien que pour l'exemple. Ah, tenez, il y a un agent qui vient vers nous. Quelqu'un a-t-il le numéro, la marque de la voiture? Oui, moi, monsieur l'agent. Ah, enfin, bon. Je crois. Eh bien, je vous écoute. Attendez. C'est ça, oui. Pour le début, je peux rien dire, mais ça se terminait par CL75. C'est ça, attendez, oui. Oui, j'en suis sûr. 8CL75. C'était une Ford Keston et ils étaient dedans, deux hommes. Ben bon, merci. Hein. Moi, je vais te leur mijoter un rapport. Moi, je vous dis que ça... Oui, et la 4 chevaux, monsieur l'agent? Oh, une chance inouïe. Elle a fait un tonneau et s'est retrouvée sur ses roues. Oui, un peu cabossé, mais pas de bobo pour le chauffeur. Oui, ben le pare-choc de l'américaine doit en avoir pris un sérieux coup. Elle a accroché la 4 chevaux avec le côté droit. Ah bon, ben je mettrai tout ça dans mon rapport, hein. Merci. Eh ben allez, circulez, quoi, c'est terminé. Mais ne restez pas là, madame. Allez, mais attendez le feu. Allez, pressons, circulez. Non, mais... Regardez-moi ce temps, monsieur, et le ciel. On dirait qu'on l'a badigeonné à l'anthracite. Et cette ombre d'eau? Si ça continue, vous verrez, on ne pourra plus sortir qu'en scaphandre. Ah, quand je pense que la météo avait annoncé une nette amélioration... Ah, les petits rigolos. Tu parles d'une amélioration. Ah, vous n'aimez pas les météorologistes? Les météorologues... Non, tous des farceurs, des fumistes, parfaitement. De mèche avec les marchands d'impairs et des rifleurs. Voilà mon idée, monsieur. Et pour vous, le terminus? Comment, déjà? Oui, monsieur. Parc des Invalides. Bon, alors ça fait combien? 12 nouveaux francs, monsieur. 12 nouveaux francs? Oui, monsieur. Ah bon, oui, 12 nouveaux francs. Voilà. Merci, monsieur. Bonjour. Et bonne continuation. Oh, jusque Versailles, le trajet n'est pas bien long. Non, mais avec ce temps de cochon, on sait jamais. Allez, au revoir, monsieur. C'est au revoir. Et le professeur Philippe Mortimer pénètre dans la gare. Beaucoup de monde en cette fin d'après-midi. Par petits groupes, les gens discutent, l'air préoccupé ou mécontent. Il paraît que c'est le dernier train pour Versailles. Oui, j'ai entendu l'annonce. La voie est coupée et la Seine monte toujours. C'est une véritable catastrophe. Et à Saint-Maur, c'est encore pire, hein. La Marne a rompu ses digues. C'est idiot possible. Comme je vous le dis, on se déplace en barque. Pauvres gens, quand même, y a-t-il du malheur sur Terre? Oh, n'en parlez pas. Les voyageurs pour Versailles, en voiture. En voiture, s'il vous plaît. Dernier train pour Versailles. Mon Dieu, le train, vite. C'est par ici, suivez-moi. Garde, il ne s'agit de pas le rater. Voie 4, c'est par là. Pourvu que... Enfin, nous verrons bien. La brousse qui m'attend, qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir? Ah, la voie 4, pressons-nous. Départ du dernier train pour Versailles, voie 4. En voiture. Attention au départ. Dans le compartiment du professeur, les conversations sont très animées. Et à l'étranger, c'est la même chose, ils l'ont dit à la radio. Angleterre, Hollande, Allemagne, Belgique, Italie, Grèce. Partout des inondations, des tornades, des tempêtes. Comme jamais on en a vu. Que voulez-vous? Ça va avec le reste. Signe des temps. Le rock'n'roll, le twist, les blousons noirs. Ah, la vie était autrement agréable autrefois. Maintenant, on ne sait plus être jeune. On ne sait plus s'amuser. Les hommes... Enfin, ceux qu'on appelle les savants jouent aux apprentis sorciers. Ils déchaînent des forces qui sont incapables de contrôler ensuite. On ne m'ôtera pas de la tête que ce sont leurs expériences démoniaques qui chamboulent tout. Je vous dis pas, mais enfin, tout de même, vous avez vu Gagarine, Titov et John Glenn. Oh, c'est quand même quelque chose, ça, non? Oh, mais je vous le demande, jeune homme. Est-ce qu'on a besoin de ça pour être heureux? Hein? Ça vous apporte quoi? Franchement. Quand même. Non, moi, ce qui m'ennuie, c'est ce sacré temps. Puis les conséquences, les victimes, oh, ça, c'est malheureux. Ah, par exemple, ah, ça, alors, c'est un comble. Non, mais écoutez ce que dit la météo. Oh, la météo. Les perturbations qui déterminent le temps sur l'Europe occidentale tendent à s'atténuer. On prévoit une très prochaine amélioration. Oh, mais de qui se moque-t-on? Non, mais regardez dehors. Comme amélioration, en effet. Voulez-vous que je vous dise? Les gens de la météo, tous des incapables, directeur en tête. Entièrement de votre avis. Tenez, quand j'étais gamin, j'avais une grenouille dans un bocal. Et ben avec sa petite échelle, elle se trompait moins souvent que tous ces fumistes de la météo. Oh, ça sûrement. Eh bien, mon vieux Labrousse, si les oreilles ne vous sifflent pas... Décidément, les Français, à se moquer de tout, sont impitoyables envers eux-mêmes, oui. Mais ils n'admettraient pas qu'un étranger leur serve le dixième de ce que je viens d'entendre. Quand je raconterai ça à la brousse, il rira bien. Quittons le compartiment du professeur Mortimer et devançons-le à la gare de Versailles-Rive-Gauche. Nous sommes maintenant dans le hall. Alors Ernest, quoi de neuf à Jouy? Plus beau qu'ici? Ah, tu parles! Si j'avais pu, comment je serais resté chez moi, les pieds dans mes pantoufles et à regarder la télé? Mais le professeur Labrousse m'a envoyé avec mon taxi pour cueillir un de ses amis, un Anglish, alors moi... Hein? T'as bien dit, Labrousse? Oui, le professeur Labrousse. Mais c'est le directeur de la météo. Oh, je sais, figure-toi. Eh ben, puisque tu le connais si bien, tu lui feras les compliments d'Émile, receveur à Versailles, rive gauche. Quoi? Parce que, alors, pardon, tu m'excuses. Non, quoi, et alors? T'es comme les gros malins du patelin qui en veulent du temps qu'il fait. Après tout, il fabrique pas les saisons, cet homme-là, non? Oh, bon, d'accord, t'as raison. C'est vrai, ça, après tout. Oui, oh, excuse-moi, hein, voilà le 18h55. Eh, mais je t'accompagne, mon client doit être dedans. Oh, dis donc, ce monde. Ah, oui. Mais remarque, je suis tranquille pour l'anglish. Il y a toujours la pipe à la bouche, même quand elle est vide. Et il porte un collier de barbe. Alors, tiens, c'est lui. Ah, ben non, mais j'en suis sûr. Bon, ben alors, je te laisse, hein. Salut, Ernest. Salut, Émile. Hop! Hop! S'il vous plaît, monsieur. Quoi, c'est à moi que vous parlez? Oui, fais d'excuses, mais vous êtes le professeur Mortimer, sans doute. That's right. Moi, je suis Ernest. Le professeur Labrousse m'a envoyé vous chercher parce que sa voiture est en panne. Alors, si vous voulez bien me suivre... Oh, all right. Allons-y, Ernest. Mon taxi est juste devant la gare. Well, well, well. Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor, avec Jacques Morel Mortimer, Maurice Chevitte Ernest, et Jean-Jacques Stine, Jacques Muller, Hélène Garraud, Christine Elsen, Noël Darzal, Fred Fischer. Bruitage et imitation, Joe et Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité... Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemet. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, deuxième épisode. Le professeur Philippe Mortimer, de passage en France, va rendre visite à son ami le professeur Labrousse, directeur de la Météorologie nationale. C'est par un temps épouvantable que notre gentleman prend un taxi... puis le train de Versailles. Là, un autre taxi l'attend, envoyé par le professeur Labrousse dont la voiture est en panne. C'est maintenant Ernest, le propriétaire du taxi, qui véhicule Mortimer en direction de Jouy-en-Josas. Alors, comment va le professeur Labrousse? Très occupé, sans doute. Alors, plutôt, monsieur, oui. Il est même tracassé. Comment tracassé? Ah, ben oui, je dis bien, tracassé. Pensez, il peut pas faire un port de chez lui sans être accroché par Pierre ou Paul. Alors, monsieur le professeur, ça va bientôt changer, ce temps. Ou le soleil, c'est-il pour demain? Ou alors, un petit don avec un temps comme ça, on va se transformer en grenouille, quoi, enfin. Comme s'il y pouvait quelque chose, le pauvre. Eh oui, je vois. Mais que voulez-vous, Ernest? Les gens cherchent toujours des responsables à leurs ennuis. Faut dire que ce déluge, hein, ça met pas de bonne humeur. Ah, mais c'est vrai, regardez. C'est pas possible, on a ouvert les vannes, là-haut. Mais, qu'est-ce qu'ils ont encore, ces essuie-glaces? Oh, cochonnerie, alors! Oui, hein, j'ai l'impression qu'ils vont nous laisser tomber. Pensez-vous? Ah, ben, c'est bien. Oui. Ah ben, ouvre la frais. Va falloir ouvrir l'œil. Où sommes-nous ici? Oh, pas loin du croisement de la route de Saint-Cyr. Oh, c'est pas possible, donc. Même à 30 à l'heure, on n'y voit rien. Ouais, soyez prudents. Hein. Oh, c'est plus très loin maintenant. Attention, là, à droite! Eh, on a eu chaud. Oui, c'est un bus américain. Je l'ai vu trop tard. Heureusement qu'il a de bons freins. You damn fool! Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il n'a pas l'air très content. Say about your plastered. Ah, ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pas à peine d'en faire une histoire, non? On s'est pas rencontrés, alors. Scram! Mais je vous ai pas vu, moi, avec cette pluie. Et puis, là, que je vous explique, mes essuie-glaces, ils marchent mal. les petits balais, quoi, ce qui fait flic-flac, Ah, il comprend rien. You silly ass. Quoi? De quoi? Conduisez plutôt une brouette. Quoi? So long. Superman. Super... Non, mais toi-même, mes patates. Et ouais, ça, ces amerlocs, hein, ils se croient... Oh, pardon, monsieur, non, c'est pas ce que je voulais dire, Non, vous excusez pas, mon ami, y a pas de mal. Non, mais vraiment, hein? Vraiment, je suis anglais. Anglais? Ah bah, c'est vrai, alors. C'est... Ah, mais quand même! Après cet incident, le taxi d'Ernest reprend la route de Jouy-en-Josas. Mais bientôt, les essuie-glaces refusent de fonctionner et la pluie tombe toujours à verse. Alors cette fois, c'est fini. Hein? Impossible de continuer. Il faut que je voie ce qui cloche. Hey, vous avez raison. Ce serait très imprudent de continuer ainsi. Là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le relais? Non, la génératrice grillée. Et là, rien à faire pour réparer, hein. Après les essuie-glaces, il y a des chances pour que le klaxon et les phares nous lâchent aussi. Ah, bon sang, quelle guigne. Et puis c'est la nuit qui commence à tomber. Tiens, voilà une camionnette. Une voiture des postes, je crois. Ah, bah alors on est sauvés. Pas de doute, c'est le grand Louis. Ah, je me disais bien que je connaissais cette bagnole. T'as des ennuis, Ernest? Ah, bah plutôt, oui. Dis donc, ma génératrice. Cramée. Bah pleure pas, mon vieux, on va arranger ça. Tu vas te placer derrière mon fourgon, hein? Et oui. Me suivre bien sagement, les yeux fixés sur mes feux rouges. D'accord? D'accord, Louis, t'es un frère. Allons-y, monsieur, je crois que ça va aller. All right. Ça va pour toi, Ernest? Ça va. Tu peux même aller un peu plus vite. Ouf, eh bien, je crois que nous avons eu de la chance d'avoir rencontré votre ami Louis. Eh ben, sinon, il n'y avait qu'une solution, chercher à pied un garagiste pour nous dépanner. Mais à cette heure et avec ce temps-là, hein... Enfin, tout va bien, on sera seulement un peu en retard. Ouais, mais l'important, c'est d'arriver. Oh, mais avec les feux rouges de Louis sous le nez, il n'y a plus de danger maintenant. Dans la nuit noire, les deux voitures roulent à 20 à l'heure. Bientôt, les phares d'Ernest deviennent à peu près inutiles. Tout à coup, un peu avant Buck, le sol se dérobe sous les roues du taxi. Qu'est-ce que c'est? Bon sang! Regardez, des travaux non signalés en plein virage, il y a de l'abus. En effet, je comprends pas. Et avant qu'on soit sorti de cette mélasse, Louis aura filé. Non, vous en avez pas. Bah oui, mais... D'ailleurs, tenez, regardez ces deux feux rouges là-bas, hein? Faut ami Louis nous attend. Oh, le brave petit. Oh, il a dû nous voir dans son rétroviseur. Bon ben, je vais essayer de regagner la route. Yes. Hourra, ça y est. Oui, ça y est. Alors doucement, nous approchons de l'arrière du fourgon. Oh, nom de chien. Damn. Ah, les lanternes sont celles du chantier. J'aurais pourtant juré. Eh oui, monsieur, moi aussi. Ah, misère, et Louis a filé maintenant. Eh ben, on est dans un beau pétrin. Bon, nous allons tenter de nous en sortir tout seuls. Comment? Si, voilà mon idée. D'abord, regagner la chaussée. Puis nous baisserons les glaces et nous surveillons tous deux la route par la portière. Oui. En allant au pas, il y a peu de risques. Puis je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Oui. Eh bien entendu, monsieur le professeur, allons-y. De son côté, Louis ne s'est aperçu de rien et a continué sa route. Il va maintenant aborder un virage. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bagnole américaine arrêtée. Et en plein tournant encore. Poupée, le gars. Je vais lui dire deux mots, moi. Dis donc, mon gars, c'est comme ça qu'on provoque des accidents? Un virage, c'est pas un parking? Ah, shut up! Comment? Beat it, I get away, my guy! De quoi? On insulte les honnêtes gens à présent? Chauffeur! Rouge, hein. Laisse tomber, Charquet. Monsieur a raison. Mais comment que j'ai raison? Faut pas vous mettre en colère. Mon ami est un peu nerveux. C'est toujours comme ça le soir, jusqu'à ce qu'il prenne son tilleul. Mais vous pouvez repartir. De notre côté, juste un petit truc à voir dans le phare droit et on rentre au bercail. Allez, bonsoir, jeune homme. Bonsoir. T'es dingue, dit de jouer les casseurs avec le premier venu. Et qui était dans son droit encore. Ah oui, bon, ça va, j'ai eu tort. On te l'a déjà dit, Charquet. Dans notre business, il suffit pas d'avoir une mâchoire en acier et des poings en béton. Il faut aussi que ça fonctionne bien ici dans la soupente. Ah, n'insiste pas, Freddy. Tac. Mais c'est seulement pour te rappeler qu'on a intérêt à pas attirer l'attention sur soi quand on a envoyé dinguer une 4 chevaux en plein Paris. Allez, monte. Oh, on dirait une voiture derrière nous. J'aime pas ça. Allez, filons. Là-bas, monsieur, les feux rouges. C'est Louis. On l'a rattrapé. Mais... qu'est-ce qu'il lui prend? On dirait qu'il accélère. J'ai l'impression que les feux rouges de notre ami étaient moins écartés. Ah non, c'est lui. Alors, ça peut être que lui. Hé, hey, Louis! Louis, c'est nous! Moi, vite, oh! Il est piqué, ma parole. Accélérez un peu. Ah, je comprends plus, moi. J'ai l'impression qu'il veut nous semer. C'est curieux, en effet. Ah bah tant pis, je vais essayer de le rejoindre. Well, je surveille le côté droit de la route. Let's go. Sacré Louis. Il veut faire le malin avec sa Peugeot. Ce qui m'étonne, c'est qu'il se montre aussi imprudent tout d'un coup. Ouais, là, vous avez raison. Ça y ressemble pas. Hein. Enfin, tant qu'on verra ses feux rouges. Attention, il vient de tourner à droite. Je vois plus rien. Ah oui, mais je connais ce virage. Comprenez-vous, monsieur? Stop devant! Oh, le maudit animal! Bon sang, mais... Allez, redressez! Je peux plus, là! Oh, il y a de l'eau! Freinez! Freinez! Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor avec Jacques Morel, Mortimer, Maurice Chevitte, Ernest, Fernand Rosena, Charquet, Serge Sauvion, Freddy, et Jacques Muller, Fred Fischer. Bruitage et imitation Joël Noël, chef opérateur du son Jean Jusforgue, assistant Jean-Claude Létard, musique originale André Pop, réalisation René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemet. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, troisième épisode. Le professeur Mortimer se rend en taxi à Jouy-en-Josas chez son ami le professeur Labrousse, directeur de la météo nationale. Les éléments sont déchaînés, il fait un temps épouvantable. En cours de route, Ernest, le chauffeur, a des ennuis avec ses phares et il accepte l'aide que lui propose un postier de ses amis. Peu après, la nuit venue, les passagers du taxi perdent de vue le fourgon postal et Ernest doit rouler à l'aveuglette. Tout à coup, à la sortie d'un virage, la silhouette d'un gros chien se dresse devant le taxi. Ernest donne un coup de volant, la voiture fait une embardée et dévale le long d'un talus aboutissant à un étang. Il était moins rude. Oui, je crois. Ah, j'ai manqué de sang-froid, faut m'excuser, monsieur le professeur. En même temps que j'ai vu bondir la silhouette, vous avez crié attention, alors j'ai donné un grand coup de volant à droite et hop. Et hop. Oui, une fois sur la pente, pas question de s'arrêter. Enfin... heureusement, c'était pas trop raide. Et quand j'ai donné du nez dans la flotte, ça m'a aidé à stopper mon taxi. Mais maintenant, nous voulons propre, hein? Et tout ça, c'est la faute de sale cabot. Enfin, qu'est-ce qui vient sur la route à cette heure-là, hein? Et puis Louis qui nous lâche, les essuie-glaces, le temps, les... ah, tout ça, ça m'a rendu nerveux, quoi. Oui, oui, je comprends très bien. Mais vous excusez pas, seulement essayons d'y voir clair maintenant. Oui. Bon, puisque nous avons aperçu un chien, cela veut dire que nous ne sommes pas loin d'une habitation, donc de gens qui pourront nous venir en aide. Ah, bien raisonné, monsieur. Alors moi, je vais vous donner aussi ma petite idée. Voilà. Oh non, mais c'est pas vrai, quel temps, mais on se croirait à la fin du monde. Pensez-vous, non. Oh, quoi? Écoutez. Quoi? Mais on dirait une chute d'eau par là. Une chute? Hein? Ah, oui, c'est possible, oui. Bah alors, ma petite idée, hein. Oui. Je vais remonter sur la route et explorer les environs. Seulement, pour ne pas nous perdre, je demanderai de rester près du taxi et donner de temps en temps un petit coup de klaxon. D'accord? All right. Allez-y, Ernest, non. Et bonne chance. Merci. Mais heureusement que j'ai ma lampe torche, hein, parce qu'avec ce sacré temps... Oui, moi, je suis moins bien partagé que vous, car vos phares pâlissent à vue d'œil, hein. Bon, vous inquiétez pas, la voiture est bien calée. Elle glissera plus. Ça vaut mieux remarquer, hein, parce qu'avec ce courant... Mais en attendant, mettez-vous à l'abri à l'intérieur. Oh, je suis déjà trempé comme une soupe, mais vous en faites pas. À tout à l'heure. Oh, à tout de suite. Ah, ça y est. Quoi donc? Les empreintes de la Peugeot de Louis. Je les vois. Mais il a quitté la Nationale, hein. On dirait qu'il a pris un chemin de terre. J'y comprends rien, alors, rien. Enfin... Je vais suivre ses traces, hein. Soyez prudent. Oh, rien à craindre. Oh, n'oubliez pas de klaxonner. Oui, compris. Ernest a raison, ce temps est vraiment apocalyptique. Oh, j'ai jamais vu ça. Ah, le petit coup de klaxon. Oh, damn, avec ce vent, s'il s'éloigne, il ne m'entendra plus. C'est la batterie qui faiblit, même. Et puis les phares, c'est de véritables lumignons. Quelle journée. Ce pauvre Labrousse qui doit se demander pourquoi je n'arrive pas. Oui, oh, c'est inutile de continuer maintenant. Ernest ne peut plus entendre se gargouiller. What? Oh, quel cri étrange. On aurait dit un cri de douleur. Oh, Golden, la lumière finie maintenant. Me voilà dans le noir. Oh, ce cri dans la nuit, le vent, la pluie, la silhouette de tout à l'heure, tout ce qu'il faut pour jouer le chien de Baskerville. Que faire, alors? Rester ici? Eh oui, mais mon klaxon ne peut plus servir de repère à Ernest, alors. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? On dirait... Mais oui, c'est l'odeur de l'ozone, ça. Ici, c'est bizarre, par exemple. Chien. Ernest a dû trouver du secours. Hoé! Ernest, par ici! Hoé! C'est curieux, on dirait qu'il s'éloigne. Oh! Par ici, Ernest, je suis là! C'est Mortimer! Avec ce vent, ils ne parviennent plus à me situer. Well, je vais aller vers eux. Oh! Attendez-moi! Ohé! Hop! Oh, le berge! Il faut que je... Oh, je m'enfonce. Mes vêtements sont alourdis. À cette branche-là, si je pouvais... Oh! Manqué! Oh, puis le courant! Le courant qui me... Oh! À moi! À moi! Oh, la chute d'eau! Au secours! Help! Ernest! Ernest! Gêné par ses vêtements, Mortimer nage contre le courant, mais en vain. Irrésistiblement, il est emporté vers la chute d'eau dont le grondement s'amplifie. À moi, Ernest! Au secours! Oh, à moi! Par ici, la rivière! Venez vite! Oh, malheur, une vanne! Je suis perdu! Oh, oh quel plongeon! Je peux plus! À bout de souffle, Mortimer tente encore de remonter le courant, mais il est entraîné par la chute d'eau. Et il doit s'avouer vaincu. Tout à coup, il voit surgir un haut mur percé d'un tunnel dans lequel s'engouffrent les eaux de l'étang. Le niveau de l'eau atteint presque le sommet du tunnel, et pour ne pas être assommé, Mortimer, à bout de force, doit plonger. Il disparaît bientôt dans le gouffre noir. Oh. Oh. Oh. Oh. tunnel, quel cauchemar. Oh, enfin, cette fois. Ah, la route, là-haut. Je suis gelé, moi. Alors, encore un effort. Un mur éboulé. Well. Oh. Enfin, une route. Oui, seulement comment me repérer maintenant? On ne voit pas plus que dans le fog londonien. Et puis alors, où aller? À droite? À gauche? Oh, et partons au hasard, nous verrons bien. Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor, avec Jacques Morel, Mortimer, et Maurice Chevitte, Ernest. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Nicole Strauss et Jacques Langeais ont adapté et vous présentent en exclusivité Les Grandes Aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemet. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météor, quatrième épisode. Depuis quelque temps, des catastrophes météorologiques se succèdent sur le vieux continent. Et le professeur Labrousse, l'éminent météorologue, a invité son ami l'anglais Philippe Mortimer à venir le voir chez lui dans la banlieue de Paris. Mais la dernière partie du voyage de Mortimer est sérieusement perturbée. La nuit venue, et par un temps épouvantable, c'est d'abord un accident de voiture, puis la disparition d'Ernest, le chauffeur envoyé par le professeur Labrousse, enfin la chute de Mortimer dans un étang. Rassemblant ses forces, le professeur Mortimer se lance sur la route. Le vent, la pluie s'acharnent avec la même violence et notre ami est transi. By Jove, une voiture! Eh oui, pas de doute, elle vient dans ma direction. Eh bien, vive l'autostop. Mais pour pas le rater, je vais me mettre au milieu de la route. Hip, hip, arrêtez! Excusez-moi, mais je me suis égaré et j'ai fait une chute dans l'étang par là. Vous n'iriez pas du côté de Jouy par hasard? Ah ben, ça tombe à pic, je passe par là. Oh, well! Hé, hey, montez donc, monsieur. Oh, merci. Merci infiniment, mais je vous préviens, je vais tremper votre siège. Aucune importance. Alors comme ça, vous êtes tombé dans l'étang. Oui, figurez-vous que nous avons eu un accident de voiture. Nous avons même failli. Et Mortimer raconte son aventure. 20 minutes plus tard, il est enfin devant le professeur Labrousse. Grand Dieu, vous enfin, mon cher ami. Venez vite vous mettre à l'abri. Mais dites-moi que vous est-il arrivé, vos vêtements sont... Oui, j'ai été retardé par un léger accident, je vous expliquerai. Oh, je suis désolé, mais nous allons arranger tout ça. D'abord un bon bain. Ah oui, c'est ça, un bon bain, et bien chaud cette fois. Catherine remettra vos vêtements en état. Ma garde-robe est à votre disposition, et ma maison est la vôtre. Nous y sommes. Merci, mon ami. Je reconnais bien là l'hospitalité française. Catherine, monsieur le professeur Mortimer est arrivé, enfin. Voilà, monsieur. Ah, comme il fait bon chez vous. Et j'ai fait préparer un petit dîner à la française, je ne vous dis que ça. Ah, je vois que vous connaissez mes faiblesses, hein. Mmh. Une heure plus tard, le dîner est terminé, Labrousse et Mortimer sont passés dans la bibliothèque pour prendre le café. Ah, merci, Catherine. Juste le fond de la tasse. Ah, vous avez tort, c'est un véritable mocard. Catherine le réussit toujours parfaitement. Et votre dîner était un chef-d'œuvre. Vous êtes un véritable cordon bleu. Merci, monsieur. Si monsieur a besoin de quoi que ce soit... Entendu, Catherine, merci. Alors, qu'y a-t-il ? Mon cher ami, je ne me serais jamais permis de vous distraire de vos occupations si je n'avais appris que vous étiez de passage à Paris. Et je vous ai prié de venir ici plutôt qu'au Quai Branly parce que je pense que notre entretien doit avoir un caractère strictement privé, confidentiel. Oui, je vois. Et je pense même connaître le motif de vos préoccupations. Vraiment ? Oui. Je suis sûr que vous voulez connaître mon avis sur les extraordinaires fluctuations météorologiques actuelles. Elles doivent vous valoir pas mal d'ennuis. En effet... Mais comment avez-vous pu... Oh, mon cher Labrousse, c'est tout simple. Je connais vos fonctions et vos responsabilités, par conséquent aussi vos problèmes. Ce sont également les miens, car ces bouleversements atmosphériques préoccupent notre gouvernement comme le vôtre. J'ai été chargé d'en découvrir coûte que coûte les causes. Ah, je n'exagérais donc pas l'importance de cette détérioration des saisons. Hélas. Et comme chez vous, ces anomalies climatiques pourraient avoir de graves conséquences économiques et politiques. Je suis heureux de vous voir partager ma perplexité, parce que, à ne vous rien cacher, ma situation devient intenable. Intenable ? Comment ça, expliquez-vous ? Eh oui, si l'on ne peut exiger que la météo nationale gouverne le temps, on a le droit d'être agacé quand elle se trompe à tout coup dans ses prévisions. Ah oui, les gens bavardent, rouspètent. De l'autre côté du channel, les réactions sont à peu près les mêmes. On croyait jusqu'à présent que les phénomènes météorologiques obéissent à des lois immuables depuis des millénaires. Or, depuis quelque temps, nous sommes en plein chaos. Permettez, c'est l'heure du journal télévisé. Oui, je vous en prie. Peut-être vais-je vous paraître naïf, mais je me demande parfois, tout comme l'homme de la rue, si les expériences atomiques ne sont pas responsables. Oh, à vrai dire, jusqu'ici, on n'a pas encore pu délimiter le vrai du faux. Et voilà les tristes images que nos caméramens ont rapportées de Saint-Michel-de-Maurienne. La voie ferrée Paris-Modane s'est affaissée au passage du rapide. Oh. Là encore, ce sont les inondations qui sont responsables. La voie a été minée par les eaux de l'Arc en crue. Vous voyez les conséquences ? Deux wagons presque entièrement immergés, les autres couchés sur le ballast. Des victimes ? Quelques victimes, et c'est encore trop. Oui. Mais les pays voisins ne sont pas épargnés. Dans la nuit de samedi à dimanche, les côtes belges, hollandaises et allemandes ont été ravagées par de véritables raz-de-marée. Ruines, dévastation, deuil là encore, hélas. C'est effrayant. En Italie, le Pau est sorti de son lit et la digue de la Vendamine... Vous permettez ? Je vous en prie. Les flots je vais baisser un peu, hein. Allô ? Et des ferles sur la plaine de la rue. Oui, lui-même. Comment ? Certains villages ont été submergés. Mais oui, il est arrivé depuis de bonnes heures. Ils sont ravitaillés par hélicoptère. Non, leur voiture s'était embourbée, je ne sais où. En Europe centrale, la situation c'est encore... C'est bizarre. Arrivée. C'est ainsi que oui, Bavière, tenez-moi au courant, Danube, surtout. Et Lynn, merci. Bonsoir. Où l'eau atteint le premier étage. Il n'y a rien de grave, j'espère. Vous jugerez. Le garagiste vient de me dire que le chauffeur Ernest n'est toujours pas rentré. Ernest n'est pas rentré. Oh, j'aime pas beaucoup ça, moi. Il est vrai que par un temps pareil, il a pu s'égarer. J'espère qu'il ne va plus tarder maintenant. Le garagiste nous tiendra au courant. Ah, parfait. Là encore, c'est un raz-de-marée qui a balayé le littoral, endommageant les installations portuaires. Ah, vous voyez, les catastrophes se succèdent un peu partout. Arrachant les arbres, défonçant les digues et les jetées. Si au moins je savais à quel endroit l'accident s'est produit. Ne vous tracassez pas trop, Ernest n'est plus un enfant. Partout, la pluie continue. Une pluie torrentielle. Des visions de cauchemar. Oui. C'est d'autant plus décourageant que nous sommes impuissants devant l'ampleur de ces catastrophes. Signalons enfin qu'un instituteur de l'Aude affirme avoir vu dans le ciel une étrange boule de feu. Il l'a même photographiée. Notre correspondant local a réussi à se procurer ce document que nous vous soumettons avec les réserves d'usage, bien entendu. Selon ce témoin... C'est curieux, ça, la brousse. Regardez. Oui, mais on pouvait s'y attendre. Ce sont les hallucinations qui commencent. C'est comme pour les soucoupes volantes. Oui, c'est inévitable. L'ennui, c'est que nous ne pouvons toujours pas déceler le vrai du faux. Mais, voyez-vous, mon cher Labrousse, cette dernière série de cataclysmes me confirme dans une opinion dont je n'ai encore fait part à personne. Vous m'intriguez. Oui, mais vous l'avez sans doute remarqué comme moi. Seule l'Europe occidentale est touchée. Que voulez-vous dire? Que géographiquement, la partie qui subit les conséquences des conditions atmosphériques est assez nettement délimitée. Comme si cette terrible et déroutante perturbation avait un caractère voulu. Un caractère voulu? Eh oui. Mais voyons, c'est impossible. Remarquez, ce n'est là qu'une idée saugrenue peut-être, mais que je propose tout de même à votre attention de spécialiste. Ah, ça, mais j'ai l'impression que... Non, ne répondez pas maintenant. Mais examinez cette idée calmement et allons dormir. La nuit porte conseil. Votre chambre est prête, mais vous savez que vos propos risquent de me faire passer une nuit blanche. Eh bien, demain, nous confronterons nos déductions, enfin, je l'espère. Quel diable d'homme vous faites? Vous verrez, Labrousse, vous verrez. Si ce que je crains se confirme, nous sommes à la veille de catastrophes pires que celles que nous vivons depuis quelque temps. Pires? Oh, infiniment pires. Effrayantes. Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météore, avec Jacques Morel Mortimer, Jean Ozen le professeur Labrousse, Geneviève Morel Catherine, Jean-Jacques Stine le chauffeur de poids lourd. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean-Jus Forgue. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemay. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langeais. Ces quatre premiers épisodes ont été diffusés pour la première fois sur France 2 les 13, 15, 17 et 20 mars 1962. À suivre.